نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Donc, on continue l'explication de la recommandation mineure. Al-Wasiyat al-Sughra li Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Donc, le dernier cours, on a vu certains points à travers donc ce qui est cité dans cette recommandation. Et parmi les points qu'on a vus, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala qaddara al-ma'asi, il a prédestiné les péchés. Et bien entendu, cette prédestination, comme on a dit, ne va pas à l'encontre du libre arbitre de l'homme. Et ça, c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus, contrairement à al-jabariya ou al-qadariya, qui eux donc, soit on dit l'homme il est contraint à ses actes, donc il n'a pas de libre choix, ou soit au contraire, l'homme est totalement libre et il est en dehors de la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et donc, al-wasat, et on sait que la croyance des gens de la sunna et du consensus, c'est le juste milieu, c'est donc croire à la prédestination d'Allah Azza wa Jal, car c'est lui qui a créé toute chose, et qui a créé af'al al-ibad, qui a créé donc les actes des hommes. Mais comme cela également est venu dans le Coran et dans la Sunna, il n'y a pas la négation du libre arbitre de l'homme. Et c'est pour cela et sur cela qu'il sera jugé. Et donc le Cheikh nous a dit que l'homme, comme il a été créé, il va tomber dans le péché. Ça c'est quelque chose qui est inévitable. Tayyib. Et on avait vu que pour ce qui était de ses péchés, et que c'est une chose qui est inévitable pour l'homme, il y a des sagesses. Des sagesses que nous a rapportées et nous a citées Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, dans son livre Madarij al-Salikin. Qui c'est qui nous rappelle parmi ce qu'on a cité? Des sagesses qui nous a citées le Cheikh dans son livre. On a cité 8. Il y en avait 24 dans le livre. Naam, faddal. Alors on a cité que une des premières, c'est qu'Allah, par sa sagesse, il aime faire grâce à ses serviteurs. Et naam. Ensuite. يحب أن يتفضل على عباده ويحسن إليهم. Allah, par sa sagesse, il montre que son serviteur a besoin de sa protection. Il a besoin de sa protection. اي نعم اظهار ان العبد محتاج الى حفظ الله عز وجل وعونه سبحانه نعم quand l'homme aussi voit il voit tout ce mal autour de lui ça le rend humble il montre qu'il est faible en fait que ça le qu'on a l'humilité en fait اي نعم صحيح. D'autres choses qu'on a citées aussi? Un motif pour l'adoration. Et non. Estijlab al-Ubudiyya, l'Allah Azza wa Jal. Al-Ubudiyya al-Mutanawya. Et non. Taïb. Également, on a parlé parmi les points qu'on a cités, on a parlé de At-Tawba. Et ça, At-Tawba, c'est la première chose qui est citée par le Shir, rahimahullah, et qui va rentrer dans ce qu'on appelle Mawani' infad al-wa'id. Mawani'u infad al-wa'id. On va expliquer ce que ça voulait dire. Et le Shir al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, dans son livre Majmu' al-Fatawa, il en a cité. Il a cité donc tout ce qui va empêcher l'exécution, l'application de la menace sur l'homme, sur le pécheur, bien entendu. Donc il y a plusieurs choses qu'on va citer. Le Shir, il en cite 4 dans son livre, et on citera le reste, sachant qu'il y en a 10. Donc on a parlé de At-Tawba, le repentir. Qui c'est qui nous donne la définition de la Tawba et qui comprend en réalité les shurut, c'est-à-dire les conditions de la Tawba? Faddal. Bil Arabiya. At-Tawba aqbal wal ghusl wa man ba'd. Naam. طيب. يعني أن التوبة يستلزم الأزمنة الثلاثة: الماضي والحال والمستقبل. طيب، ولكن نريد التعريف كما عرفه ابن القيم. من يذكر لنا التعريف؟ تفضل. S'arrêter tout de suite de faire le péché et de promettre à Allah de ne plus recommencer. C'est pas une promesse, Yanni. Une détermination. Qui c'est qui la connaît en arabe? Faddal. هو ينقطع في الحال نعم. عما سلف والندم الندم على ما سلف، فذا يتعلق بإيش؟ بالماضي. نعم. ولا يرجع مما كان عليه. وليس الشرط أنه لا يرجع إلى ما كان عليه، ليس شرطا، لأنه شرحنا أنه يمكن أنه يرجع فيما بعد بضعفه، يمكن أنه يرجع في وقوع المعاصي، ولكن توبته يعني مقبولة. شرحنا هذه النقطة، فلا يمكن أن نقول من الشروط أنه لا يعاود أو لا يرجع إلى المعصية، ولكن يعزم هذا العزم. ففرق أنك تعزم على شيء أن لا تقع فيه، ولكن في المستقبل قدر الله أنك تقع فيه، ففرق بين العزم. فهمت يعني؟ فلكن يعني يكون التعريف يعني دقيق، لازم تفرق بين الوقوع وبين العزم أن لا تعاوده على الوقوع فيه أو الفعل. طيب، من يأتينا بنفس نفس تعريف ابن القيم؟ لأنه كان في جملة واحدة فقط. تفضل. السلام عليكم. لم أسمع قول ابن القيم، ولكن تعريف التوبة عندي الله أعلم هو الإقلاع عن الذنب والندم على عدم الرجوع إليه. نعم صحيح، هذا هو. نعم هذا هو. نعم هذا كما يعني شرحناه. إيه نعم. فهناك الندم، أندم على ما سلف منه. طيب، والإقلاع عن الذنب في الحال، وأن لا يعاوده في المستقبل. On a cité également d'autres شروط qui rentrent. Qui c'est qui nous rappelle les شروط qui rentrent également dedans? On a cité d'autres points également. Là, pas les catégories. Il y a un moment où ça ne sera pas accepté, la tawba. Non, il y a cela, ça y est. Et ensuite, c'est aussi deux autres conditions. Trois autres conditions même, avec le fait de rendre, si une chose qui a été prise, qui a été volée, ou alors un droit qui a été violé à une personne, de lui rendre ce droit-là. طيب، ذكر الشيخ رحمة الله عليه أن في الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، قدم السيئة على الحسنة، فما هو الحكمة من ذلك؟ C'est-à-dire donc que dans le hadith Le prophète sallam, il a cité en premier et il a placé en priorité, lorsqu'il a exposé sa phrase, As-Sayya, c'est-à-dire donc les péchés, les mauvaises actions, et ensuite les bonnes actions. Pourquoi cela? Pourquoi le prophète sallam, dans le hadith, il a dit, lorsqu'il a donc wassa Mu'adh radiallahu ta'ala anhu, il a dit wa atbi' as-sayyi'ata al-hasana fa qaddama as-sayyi'a ala al-hasana tamhuha. هنا الشيخ بين بأن عند الذنب هناك الصفات. نعم. يعني الحكمة أن المقصود نعم مقصود الحسنة هي إزالة سيئة. هذا هو بس هذا هو المقصود. لأنه عندك حسنات ترجو من الله عز وجل الثواب، ولكن هذا النوع من الحسنات ترجو من الله عز وجل إزالة السيئات، فهذا فرق. أي نعم، لأنه نوع من الحسنات. صحيح نعم. Ça c'était une métaphore qu'il a donné Cheikh l'Islam. أي نعم صح. يعني الماء هنا طهور. أي نعم. فكان المقصود من الماء إزالة النجس. فهي c'est une image qu'il a donné le Cheikh. أي نعم. يقارن بين هذا وهذا. طيب. Donc on continue إن شاء الله. Ensuite. بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه والذنوب يزول موجبها بأشياء أحدها التوبة والثاني الاستغفار من غير توبة فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. الثالث الأعمال الصالحة المكفرة إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة وهي أربعة أجناس هدي وعتق وصدقة وصيام. وإما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير الصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا وعمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. نعم. Donc le Cheikh, après avoir cité donc la première chose qui va empêcher l'exécution de la menace, mawani'u, infadhil wa'id, la deuxième c'est quoi? C'est al-istighfar. On a donné une différence entre Tawba ou al-istighfar, man yadhkur lana, qui nous rappelle les différences qu'il y a entre Tawba ou al-istighfar. صحيح. أما الاستغفار؟ نعم. ما الدليل على ذلك؟ ici que nous rappelle un dalil que l'on peut faire l'istighfar pour une autre, contrairement donc au repentir. آخر الآية يعني من سورة النور اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. نعم هذا الدليل صحيح. طيب qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi comme différence? Il Al-Akfal, il se fait que par la langue, tandis que le Touba, ça demande les membres, la langue non. Et les membres. Ça. Kadarik. نعم والتوبة نعم التوبة c'est pour les croyants uniquement et نعم التوبة مطلوب من الكافر والمؤمن ولكن من الكافر يتوب عن الكفر أو الشرك طيب فيقول الشيخ الاستغفار من غير توبة فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتوب فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال donc ici il nous dit le Cheikh que simplement par l'istighfar lorsque tu dis astaghfirullah peut-être qu'Allah il va te pardonner même si tu ne fais pas la tauba il va peut-être te pardonner même si tu ne fais pas la tauba min ghayri tauba. Et ça, comme on va le voir, ça va revenir à l'ikhlas, c'est-à-dire à la détermination de la personne lorsqu'elle fait ce istighfar et également son ikhlas, sa concentration. Tayyib. Donc, juste à l'istighfar, c'est quelque chose donc qu'il ne faut pas négliger, juste à l'istighfar, peut-être qu'Allah Azza wa Jal, on espère d'Allah Azzawajal qu'il va nous pardonner nos péchés même sans avoir fait la tauba. C'est la parole du Shir. Par contre, taban ijabatan lidu'a'i, c'est-à-dire que cela va rentrer dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer la dua, l'invocation du croyant. Et nous dit que si, bien entendu, ce istighfar, il est ensuite accompagné d'une tauba, alors ça c'est Al-Kamal, c'est le plus complet. Donc ça c'est pour Al-Istighfar. Donc c'est maintenant, on en a vu deux. On a vu deux choses qui font quoi? Qui empêchent qu'Allah Azza wa Jal descende la menace sur nous. C'est-à-dire l'exécution de la menace. Déjà deux choses. Ensuite, Thalith, il nous dit le Shir, Al-A'mal Al-Saliha, Al-Mukaffira. C'est-à-dire les actes qui eux sont Mukaffira. Des actes, ma ma'na mukaffira, tukaffir, hadhi al-a'mal tukaffir al-ma'asi, tukaffir al-ma'asi, c'est-à-dire donc elle expie, ça expie les péchés. Et il va nous montrer qu'il y a deux sortes de ces actes-là. Imma al-kaffaratul muqaddara. Al-kaffaratul muqaddara, ça c'est ce qui va entrer dans les expiations qui sont déterminées par la religion. Elles sont à l'avance déterminées dans le livre d'Allah ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la première catégorie. Al-kaffaratul muqaddara. Quddirat fi nusus. Hada wa al-ma'na. Kama yukaffiru al-mujami'u fi ramadan. Donc, comme vous savez qu'il est interdit et ce qui fait annuler le jeûne pendant le mois du ramadan, c'est que la personne elle a un rapport avec son épouse. Taïf, si la personne elle fait cela, alors il lui est obligatoire l'expiation. Et il devra refaire également ce jour-là, suivant la parole la plus forte des savants. Il devra également refaire ce jour-là. Ma yukaffir al-mujami' fi ramadan. Al-mujami' celui donc qui fait l'acte du jima' et qui est donc le rapport sexuel. Et bien entendu, cela est venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, min hadith Abi Huraira, qui est un hadith qui est muttafaqun alayh, lorsqu'il y a une personne qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui a dit halakt, c'est-à-dire je suis dans la perdition, je me suis perdu, je suis tombé dans l'égarement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il lui a demandé et lui a ensuite informé qu'il avait donc eu un rapport avec sa femme durant la journée du mois du ramadan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, donc, il va lui enseigner ce qu'il doit faire. Et ici, il va donc lui mettre en évidence ce qu'est al-takfir hadha-dhamb. Takfir hadha-dhamb, c'est-à-dire comment il va expier ce péché-là qu'il a fait durant le jour du mois du ramadan. Donc la première chose, c'est quoi? C'est l'affranchissement d'un esclave. Et s'il ne peut pas faire cela, alors il doit jeûner shahren mutatabi'an, c'est-à-dire qu'il doit jeûner durant 2 mois. Et s'il ne peut pas faire cela, alors il devra donner à manger à 60 pauvres. 60 pauvres. Nusf sa', la moitié de ce qu'on appelle sa' nabawi. Donc c'est ce qui est venu dans la sunna. Donc ça on voit que c'est muqaddara. Ça a été expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hada muqaddar. Taïb. Donc on n'a pas fait une expression de ce qui nous sort par la tête ou ce qu'on voudrait nous faire. On est obligé de suivre cela. Taïb. Donc certains savants ont dit c'est bitakhir, c'est-à-dire qu'il a le choix entre cela, et d'autres qui ont dit non, c'est bitartib. Il doit le faire suivant ce qu'il ne peut faire. S'il ne peut pas faire, il ne peut pas affranchir, alors il doit faire quoi? Il doit jeûner 2 mois. Et s'il ne peut pas jeûner, il n'a pas la capacité de jeûner 2 mois, alors il revient donc à la nourriture, nourrir les pauvres. Ensuite, un autre exemple qui va nous dire le shir, al-mudahir. Al-mudahir. Qu'est-ce que ça veut dire al-mudahir? Al-mudahir, ça vient du terme al-vi'ar. Et en fait, cela, c'était quelque chose qui était courant du temps de la Jahiliya, avant même l'avènement de l'islam. C'est tout simplement qu'une personne, lorsqu'il disait à sa femme, anti alayya kavvahri ummi. Ça, c'est une expression qui était dite par les Arabes avant l'avènement de l'islam. Tayyib. Donc, on voit ici le terme vahr qui vient. C'est pour ça qu'on a appelé cela ensuite dans la législation al-muvahir. Ça veut dire cela. Tayyib. C'est pas celui qui fait les manifestations, hein. Al-muvahir. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? C'est comment ils appliquaient cela, pour eux c'était comme un divorce. Et une fois que la personne avait dit ça, c'était comme un divorce et il ne pouvait plus revenir vers sa femme. Taïb. Donc ensuite, l'islam, elle a interdit cet acte-là. C'est resté donc un acte qui est interdit et blâmable. Taïb. Mais si la personne le fait, c'est-à-dire s'il fait cela, et s'il dit cette parole à cette femme, donc à sa femme, et qu'est-ce que ça veut dire donc concrètement? Ça veut dire tout simplement, il dit à sa femme, tu es comme le dos de ma mère. Il dit à sa femme, tu es comme le dos de ma mère. Donc bien entendu, si tu es comme le dos de ma mère, je ne peux avoir plus de relation avec toi. C'est comme si tu es haram. Tu es haram comme ma mère, elle m'est haram. C'est ce que ça veut dire concrètement, Taïb. Et donc, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui est blâmable et interdit. Hada hukmu, c'est son jugement dans la religion. Mais si la personne, une fois qu'elle l'a prononcé, alors elle doit aussi, elle, expier. C'est-à-dire que c'est pris en compte dans la religion une fois que ça a été prononcé. Mais elle doit expier ce qu'elle a fait. C'est-à-dire pour revenir à son épouse, pour qu'elle redevienne halal, pour qu'elle redevienne son halal, il doit donc expier. Ça, c'est une condition. Et on va voir que cela est cité dans le Coran, qui est fi surat Al-Mujadala, qui est le verset 3 et le verset 4. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla yaqul, wal-ladhina yudhahirun min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dhalika tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir faman lam yajid fasyamu shahrayn mutatabi'in min qabli an yatamassa فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينَ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Donc ici dans ce verset du Coran, il est tout simplement cité l'expiation que doit faire celui qui a dit cette parole-là pour que sa femme lui redevienne autorisée, halal. Et en fait, on s'aperçoit que dans le verset du Coran, il est cité ce qui est cité pour qui? Pour Al-Mujami' fi Nahar Ramadan. C'est la même expression en fait. C'est-à-dire, soit affranchissement, ou alors s'il ne peut pas jeûner 2 mois et s'il ne peut pas nourrir Sittina Miskina. Donc c'est la même. Si maintenant, c'est ce qui est arrivé à un des Sahaba, et qui est Salman ibn Sakhr Al-Ansari, certains disent Salamatu ibn Sakhr Al-Ansari, ou Salman Ibn Sakhr Al-Ansari. Et donc, lui, il est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a expliqué son cas. Il lui a dit que c'était une personne où il explique avant même d'expliquer au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de demander en fait le hukm, c'était une personne qui était forte, yani, qui avait de la force, fil baraka, tayyib, yani quwwat al-insan, ma'a zawjatihi, hada wa al-ma'na. Et c'est vrai que c'était des gens, yani, ils avaient la baraka, les sahaba, ils avaient la baraka dans toutes choses. Dans toutes choses, ils avaient la baraka. Et donc, cette personne, de peur que lorsque il a un rapport avec sa femme durant la nuit, qu'il ne puisse donc terminer avant que se lève le subh. Inam, al-quwa, al-baraka. Et donc, par rapport à ça, pour s'empêcher en fait, se mettre des barrières pour ne pas donc tomber dans ce péché-là, il a prononcé al-zi'ar. Mais lui, il l'a prononcé mu'allaqan bizaman. C'est-à-dire donc qu'il l'a déterminé avec un temps, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois du Ramadan. Tayyib, jusqu'à la fin du mois du Ramadan. Et donc, par rapport à cela, al-hukm, c'est que s'il veut revenir à sa femme durant cette période-là, il doit expier. Et si il n'a pas expié, alors il ne touche pas à sa femme, Tayyib, mais après que, par exemple, la date qu'il a fixée, ici c'était la fin du mois du Ramadan, il peut revenir à elle sans même avoir expié. Il est tout simplement déterminé ici par une date. Donc elle est prise en compte. Elle est prise en compte. Tayyib. Donc il aura expié uniquement s'il veut revenir à sa femme durant cette période. Mais après cette période-là que lui il a déterminée, lorsqu'il a prononcé l'ovd, elle redeviendra donc ensuite, yani, permise. Et malgré cela, il est tombé, quand même, il est tombé, yani, jama'a zawjatahu. Enam. Et vous savez comment? Regardez ces gens-là, comme ils étaient à l'al-fitra. Simplement parce qu'il a vu de sa femme, vous savez ce qu'on appelle al-khal-khal. Est-ce que quelqu'un connaît ce que c'est al-khal-khal? Hein? Al-khal-khal, qu'est-ce que c'est? Enam, à la cheville. C'est en fait une chaîne qu'on met à la cheville. Regardez, il a juste vu ça de sa femme. Bismillah. Al-fitra. Nahnu qulubuna mayyita. Wallah al-musta'an. Nashuf akbar min hada wa wallah al-musta'an. Donc regardez, yani, du temps des sahaba, comment ils étaient sur cette fitra-là. Al-fitra, yani, la saine nature. Tayyib. Donc ça, c'est pour ce qui est de al-muzahir. Donc on est toujours fi al-kaffaratul muqaddara. Et ensuite, al-murtakibu li ba'di mahdhurat al-hajj. Donc celui qui fait le hajj, il a ce qu'on appelle al-mahdhurat, des choses qui lui sont interdites de faire. Tayyib, comme par exemple, pour l'homme, de se mettre quelque chose sur la tête, de se couvrir la tête. Tayyib. Pour la femme, de mettre le niqab, ou alors de mettre le kuffazen, tayyib. Ou alors, pour ce qui est général pour l'homme et la femme, le fait de se tailler les ongles, alors de s'enlever des poils. Tout ça, ça fait partie du mahdhurat al-ihram. Et donc, celui qui fait cela, muta'ammidan, bien entendu, qui fait cela, yani, de manière délibérée, alayhi kaffara, tayyib, alayhi dam, tayyib. De même, il nous dit le shir au tariq, ba'd wajibatihi. Wajibat al-hajj. Donc celui qui va délaisser un wajib durant le hajj, comme par exemple al-ihram fil miqat, bien entendu ce qu'on dit al-ihram fil miqat, c'est le fait de mettre al-ihram, pas la niya. Niya tout l'ihram, c'est autre chose, c'est rukn min arkan al-hajj. Lakin, libas al-ihram, tayyib, hada min al-wajibat. Ou, mathalan, tawaf al-wada', ça fait partie également, ou mabit fi muzdalifa, ou mabit. Ayam layali al-tashriq, wa kada, tayyib, ou qatilu sayd. Bien entendu, pour ce qui est de al-takfir, ma yaqa fihi min al-mahdhurat, il y a une seule chose qui fait annuler le hajj. Toutes ces choses qu'on a dit, qu'on a citées, et les autres encore, elles ne font pas annuler le hajj. Mais l'homme, il devra donc, comme on dit, aller dam. C'est-à-dire, il y a Bahsha, où ils ont la fuqara, Mekka. Là, qu'il y a une seule chose, que s'il l'a fait, alors son hajj, là, il est annulé. C'est quoi? Nam, al-jima. Et nam. La relation sexuelle, c'est la seule chose qui annule le hajj. C'est la seule chose qui annule le hajj. Tayyib. Parmi, bien entendu, le mahdhurat, c'est-à-dire les choses que l'on va faire et qui ne sont pas permises. Et nam. Bien entendu, celui qui va délaisser un rukn min arkan al-hajj wa muta'ammidan. Bien entendu, celui qui ne vient pas avec le rukn, c'est autre chose. Mais on parle, bien entendu, dans ce qui fait annuler le hajj. Ce qui fait annuler le hajj, le fait de faire un acte. C'est un acte min al-mahdharat, c'est uniquement al-jima'. Et c'est pour ça que, alayhi al-badana, et ensuite il doit terminer son hajj, il doit le refaire l'année suivante. Wallah al-musta'an. Tayyib. Ensuite, il nous dit, awqatilu sayd. Awqatilu sayd. Bien entendu, on sait que c'est interdit, lorsqu'on a le tadi haram, de chasser quoi ? Le gibier. Donc celui qui va chasser le gibier, il a également une expiation. Et comme il est cité par les jurisconsultes, soit donc il va égorger et va donner aux pauvres ce qui est équivalent à ce qu'il a tué, comme Saïd. Et s'il ne peut pas alors yuqaddar bi qimati, c'est-à-dire donc on va déterminer la valeur de ce qu'il a, la valeur dans le marché de ce qu'il a tué. Et ensuite, on va le donner aux gens. Nouazir ala al-masakin minus fassa. Taïb. Et s'il ne peut pas, alors il doit jeûner ce qu'il aurait dû donner aux pauvres. Durant chaque jour, il aurait dû donner donc aux pauvres nus fassa, suivant donc ce qui est muqaddar. Et s'il ne peut pas faire cela, alors il doit jeûner ces jours qui correspondent à ce taqdir, c'est-à-dire à cette détermination, ce qui était déterminé. Donc ça, c'est des exemples qui nous a donné le shir. Waya arba'atu. C'est-à-dire elles sont de quatre catégories. Les expiations, ces expiations muqaddara, elles sont de quatre catégories. La première, c'est al-hadi. Al-hadiu, ça, c'est uniquement durant le hajj. Al-hadiu, c'est uniquement durant le hajj. Taïb. Et bien entendu, c'est al-hadiu, c'est quoi ? Cette expiation, c'est égorger donc. Enam, chat. Wa itq, wa sadaqa, wa siyam. Pour ce qui est de itq, wa sadaqa, Wassiyam, donc on l'a vu, dans le cas du Al-Muvahir, dans le cas du Al-Mujami'a. Donc ça touche également le jeûne, ça touche également le hajj. Donc c'est beaucoup plus général, les trois derniers. Ça c'est les quatre choses. Il y a uniquement quatre choses qui sont déterminées dans la religion comme expiation. Donc Al-Hajj, ou Al-Itq, qui est le fait donc d'affranchir l'esclave, ou Al-Sadaqa, le fait de donner l'argent, ou alors Al-Siyam, le fait de jeûner. Tayyib. Ensuite, il nous dit le shir, wa imma al-kaffaratul mutlaqa. Ça, c'est la deuxième catégorie, et c'est al-kaffaratul mutlaqa, celles qui sont générales. Celles dont, en fait, la personne, elle est libre de faire ce qu'il lui, il voit comme ce qui est le plus favorable, ou alors des choses qu'il fait de manière générale et qui viennent expier ce que le shir cite, et il dit, kama qala Hudhayfatu li Umar, fitnatu ar-rajuli. في أهله وماله وولده يكفر الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. C'est-à-dire donc, il nous a donné un exemple ici le Cheikh, rahmatullah alayh. Il nous dit comme c'est venu dans le hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu ta'ala anhu, lorsque Omar lui avait donc interrogé sur la fitna, et tout le monde connaît inshallah ce hadith, et il lui avait Hudhayfa. Il avait cru donc il lui demandait à propos d'une fitna bien précise, il lui a dit fitnatur rajul fi ahli wa malihi wa waladi, c'est-à-dire la fitna de la personne dans sa famille, dans ses proches, donc dans son argent, dans ses enfants. Et le marna ici le fitna, c'est-à-dire donc ce qui va le déconcentrer, ce qui va peut-être l'écarter de ce qu'il devrait faire dans la religion à cause de cela. À cause de son argent qui va le distraire de l'adoration d'Allah, à cause de sa famille qui va le distraire de l'adoration d'Allah, à cause de ses enfants qui vont le distraire dans l'adoration d'Allah. Hada wa ma'na fitnatur rajul fi ahli wa malihi wa waladi. Fa il nous dit le kafiru as-salah, c'est-à-dire donc elles sont expiées par quoi ? Par la prière, par le jeûne, par la sadaqa, et également ordonner le bien et blâmer le blâmable. Interdire le blâmable. Tayyib. Donc ça, c'est ce qui est rendant al-kaffaratul mutlaqa. Et nous dit le shir, وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْقُرْآنُ وَالْأَحَادِيثُ الصِّحَاحُ فِي التَّكْفِيرِ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَالْجُمْعَةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَسَائِرِ الْأَعْمَالِ الَّتِي يُقَالُ فِيهَا مَنْ قَالَ كَذَا وَعَمِلَ كَذَا غُفِرَ أَوْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ لِمَنْ تَلَقَّاهَا مِنَ السُّنَنِ خُصُوصًا masunifa fi fada'il al-a'mal. Donc ici, al-kaffaratul mutlaqa, les expressions qui sont d'ordre général. Une question, bien entendu, lorsqu'il a cité le shir ce hadith, on pourrait citer également un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit as-salawatul khamsa wal-jum'at ila al-jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratu ma baynahunna mashtunibat al-kaba'ir. Tayyib. Et ça également, c'est ce qui est cité par Allah Azzawajal dans son Coran lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala in tashtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Donc si vous écartez des péchés in tashtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyatikum, c'est-à-dire qu'on si vous écartez des grands péchés al-kaba'ir ma tunhauna anhu, les grands péchés qu'on vous a interdits, alors Allah Azzawajal, il va nous expier nos péchés et nous faire rentrer dans une bonne rentrée. Alors ici, ça veut dire donc, d'une part, que ce qui est expié par les prières que l'on fait, lorsqu'on prie le Jumu'a, lorsqu'on jeûne, Tayyib, le mois du Ramadan, ça explique quoi exactement? Al-Kabayr ou Sara'ir? Sarayar, c'est-à-dire donc les petits péchés. Et c'est quoi la preuve? Qu'en réalité c'est uniquement Sarayar. Et comme également dans le verset in tashtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. طيب. Sachant que sur cette question-là, il y a deux avis des savants. Et parmi ceux qui ont dit que ça, également, ça pouvait effacer les grands péchés, Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah nafsu. C'est pour ça que lui-même, il voit, c'est un de ses avis, il voit que yukaffir hatta al-kabair. Hatta al-kabair. Ensuite, on va voir. On va voir pourquoi il dit ça. Et Ibn Rajab, il nous rappelle que c'est une ta'ifatu min ahli al-hadith. C'est un groupe parmi les gens du hadith qui ont vu également, qui ont eu cet avis. Mais le Jumhur, c'est-à-dire la plupart des savants, ils voient donc, et comme preuve, ce qui était cité dans le hadith, qu'on doit s'écarter des grands péchés. Que l'on doit s'écarter des grands péchés. Et donc à partir de là, il implique que le grand péché, il ne peut être effacé que par quoi? Que par le tauba. Que par le tauba. Taïb. Et certains, ils ont dit, pas besoin de repentir. Car on voit, Cheikh l'Islam lui-même, il dit al-istighfar faqat. Donc il nous a dit l'istighfar, ça peut être une cause de l'effacement des péchés, même qu'il soit grand. Et même s'il n'y a eu de tauba, comme il l'a cité lui-même. Et ça, c'est son avis, Tayyib. Donc il y a également ici deux avis. Et le shir, en fait, il voit, pourquoi lui il dit cela? Il voit en fait que dans le hadith, lorsqu'on voit as-salawat al-khamsa, ou al-jum'at ou al-jum'a, والصيام إلى الصيام ورمضان إلى رمضان tout ça fait partie des obligations. هذه من الفرائض صح. لكن il y a d'autres hadiths comme il va nous citer le shir ou d'autres hadiths où il est dit من قال كذا وعمل كذا غفر له. طيب. Donc il y a des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit celui qui fait cet acte là alors tous ses péchés lui seront pardonnés. Et ça donc, dans un premier temps, il y a des hadiths qui concernent ce qui est surérogatoire. Donc on n'est plus dans les obligations ici. C'est ce qui est surérogatoire. Taïb. Et ça concerne ici tous les péchés. C'est mutlaq. Donc c'est à partir de là que le shir, il voit que même c'est les actes que l'on fait, et donc quand ils sont yani, zaïd, c'est-à-dire qu'ils sont encore surérogatoires à ce qui est obligatoire, alors eux, ils peuvent même effacer les grands péchés. Pourquoi? Parce que ça rentre dans le surérogatoire. Et deuxièmement, les hadiths, ils ont été cités de façon quoi? Mutlaqan, de façon générale. Sans bidoun taqiyid. Comme cela est venu, contrairement à ce qui est venu dans le hadith qu'on a cité. Ici, c'était les obligations. Ishtunibat al-kabair. Tayyib. Et des exemples qu'on peut donner, hadith qui est rapporté par Othman, et qui est un hadith rapporté par l'imam, qui est cité par Othman ibn Affan à la Nabi sallallahu alayhi wa et qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, أنه قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين ولا يحدث نفسه لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفل له ما تقدم من ذنبه. C'est-à-dire celui qui fait son wudu, comme le dos que je vous ai présenté, que vous venez de voir, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son wudu, et qu'ensuite il prie deux raka'a, et qu'ensuite durant ces deux raka'a il reste concentré, la yuhadith nafsaw, des choses qui sont en dehors et qui n'ont rien à voir avec la prière. Donc il reste concentré sur la prière, Tayyib, alors Rufira lauma taqaddama mi dhambi. Donc ici c'est un acte surrogatoire, ça. Et le prophète sallam, il dit Rufira lauma taqaddama min dhambi. Min dhambi, c'est général. Ici il n'a pas dit faqat as-sa'ir bidun al-kaba'ir. Donc ça c'est wajh al-istidlal wa yastadillu bi hadha yahtajju bihi ta'ifatu min ahli al-hadith, également Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc on comprend maintenant pourquoi ils ont dit cette parole là. Tayyib. Également, من صام يوم عرفة غفل له سنتين متتابعتين. Celui qui va jeûner le mois, celui qui va jeûner le jour de Arafa. Et le jour de Arafa, bien entendu, pour ceux qui ne font pas le Hajj, c'est surrogatoire, c'est pas obligatoire. Et celui donc qui va jeûner, celui qui va jeûner ce jour-là, le prophète sallam lui indique la récompense qui est takfir, c'est-à-dire l'expiation de 2 années de péché. Également ici, c'est mutlaqan, et on est dans également la surrogatoire, tatawwa'an. Et également, et ce hadith il est rapporté par l'imam al-Tabarani fil Kabir, et c'est un hadith qui est dont la chaîne de transmission est authentique. Et également, dans ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, min hadith Abi Huraira, من قال سبحان الله وبحمدي في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. C'est-à-dire celui qui va dire 100 fois durant la journée Subhanallah wa bihamdi, il le dit 100 fois durant la journée Subhanallah wa bihamdi, alors Allah Azza wa Jal il va lui pardonner ses péchés, et même s'ils sont comment, comme quoi زبد البحر. زبد البحر, c'est en fait, vous savez, comme la mousse, lorsqu'il y a un petit peu des vagues, etc., dans l'eau, dans la mer, on peut s'apercevoir qu'il y a comme une mousse qui vient à la surface, qui apparaît à la surface. C'est ça, Zabad el-Bahr. Donc c'est beaucoup, c'est énorme. C'est tout simplement une image pour dire que, malgré le nombre de péchés qu'il y a, Tayyib, donc également ici, c'est des hadiths qui sont mutlaq. Et également, regardez lorsqu'on a parlé que, bien entendu, lorsque cela est fait, bi ikhlas. Donc, l'insan, la yaqnat, inna rahmatillah. Il ne désespère pas de la miséricorde d'Allah Azzawajal. Si cet acte il est fait avec ikhlas, même si c'est un istighfar, comme on l'a vu, alors peut-être qu'Allah il va tout lui pardonner ses péchés. Donc, c'est pour ça, ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Et même le peu que l'on fait, lui donner toute son importance. Wanahtasib. Tayyib. Regardez maintenant cette femme qui était une prostituée. Une femme qui est prostituée. Ça veut dire qu'elle fait le zina, ayadan billah, tous les jours. Son métier, c'est le zina. Ayadan billah. Lorsqu'on entend ça, c'est un dhamb azim, yani. Un des plus grands péchés, le zina. Et pourtant, elle fait cela tous les jours. Cette femme de Bani Israël, comme nous l'a raconté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est passée devant un kalb, un chien, qui était assoiffé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donc pris du puits, de l'eau, avec sa chaussure, et elle a donné au chien. Qu'est-ce qu'il a fait Allah subhanahu wa ta'ala, de par cet acte-là? Il lui a pardonné ses péchés. Allahu Akbar. Un seul acte. Mais pourquoi cela? Car elle l'a fait bil ikhlas. Elle l'a fait pour Allah Azza wa Jal. Et bien entendu, ici, on ne va pas dire une qa'ida, on ne va pas dire une règle. C'est-à-dire toute prostituée qui va donner à boire à un chien, tous ses péchés lui seront pardonnés. On ne peut pas dire, ce n'est pas une règle. Mais dans un cas comme ça, c'est simplement pour prouver que la personne, lorsqu'elle est mukhlis, et même dans un acte, peut-être qu'elle ne va pas y donner une grande importance, الله يتجاوز عنه. الله أكبر. Ici on va donner, on va faire une parenthèse par rapport à un hadith. C'est un hadith de Abu Umama al-Bahili. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. Ce hadith est authentique, il est rapporté par l'imam Abu Dawud. Il est venu vers le prophète صلى الله عليه وسلم et il a dit إني أصبت حدا فأقمه عليه. Il est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم, cet homme, il lui a dit إني أصبت حدا فأقمه عليه. C'est-à-dire donc, j'ai fait un acte qui implique Al-Had. Vous savez ce que c'est Al-Had? C'est la sentence. Cette sentence qui est, elle, muqaddar, c'est-à-dire qui est déterminée dans la religion. Comme par exemple le zina. Alors il a dit, aqimhu alayh, c'est-à-dire, applique cette sentence sur moi. Donc il était sincère, il voulait que cette sentence elle soit appliquée, car il a fait un acte. Taïb, il a fait un acte haram. Le prophète Sallam, il lui a dit, هل توضعت حين أقبلت؟ قال نعم. C'est-à-dire, est-ce que tu as fait l'odo avant de commencer donc ta prière? هل صليت معنا حينما أو حين صلينا؟ Est-ce que tu as prié avec nous lorsque nous avons prié? Il lui a dit نعم. Il lui dit قال اذهب فإن الله تعالى قد عفا عنك. Il lui dit donc pars, Allah Azza wa Jalla t'a pardonné. Donc certains, ils ont compris que ici c'était le zina. C'est-à-dire donc que lorsqu'il a dit asabtu haddan, ils ont compris que c'était l'adultère qui a été fait. Et donc certains, ils vont penser que simplement le fait d'avoir fait l'odo, le fait de prier, ça peut être pardonné, sans même une tawbah. Taïb. Simplement qu'il est venu dans certaines versions de ce hadith, la suivante. Inna rajulan asaba min imra'atin qubla. C'est-à-dire la personne, qu'est-ce qu'elle a eu comme relation avec une femme qui lui est interdite? Elle qubla, c'est-à-dire uniquement le baiser. Donc regardez ici, ça vient mettre en évidence que c'était un péché qui était en dehors des... qui est considéré comme les grands péchés, yani az-zina. C'était uniquement elle qubla, yani le baiser. Taïb, donc à partir de là, on comprend que l'acte qu'il a fait, ça lui a été pardonné de par sa prière, de par son odo et de par sa prière. Taïb, et donc le petit péché, il a été pardonné. Et la deuxième chose également que l'on peut savoir, comme nous le rapporte l'imam al-Mundhiri, il nous dit « Ajma' al-ulama anna tawbata la tusqit haddan min hududillah ». C'est-à-dire, si la personne elle fait un grand péché, et que ce grand péché, il est donc reconnu par une des voies législatives, alors, même si la personne elle fait tawba, la sentence sera appliquée. C'est-à-dire, tawba la tusqit haddan. Le repentir, il ne fait pas, il n'enlève pas l'application de la sentence. Que ce soit sur soi-même, taïb, il y en a un péché qu'on a fait sur soi-même, qu'on est concerné directement, alors qu'on a fait sur autrui, c'est-à-dire comme tuer une personne ou d'autres choses. Et c'est pour ça, donc, à partir de ce hadith, l'imam al-Nawawi, il a dit, yujzam anna dhanbun saghir, c'est-à-dire, on est sûr que c'était un petit péché, taïb. Maintenant, une question que je vais vous poser, est-ce qu'il y a dans l'islam une salah qui s'appelle salat al-tawbah? La prière du repentir. Est-ce qu'il y a dans l'islam une prière qui s'appelle la prière du repentir? Salat al-tawbah. اذكر لنا الحديث. بالمعنى او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادنى باب ثم صلى ركعتين وطلب السفر وفر الله. نعم صحيح. هذا صلاه التوبه اللي سافون لومبلي صلاه التوبه. واللفظ ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتطهر فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يتوب لله من ذنبه إلا تاب الله عليه وفي رواية يستغفر الله إلا غفر له. هذا العلماء سنس حديث كابوتي بابو داود من حديث أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكي أتنتفي بخشى الألباني في صحيح أبي داود. يسو حديث إلى أبلي إلي نومي أو ستقيا إلي نومي صلاة التوبة comme elle était nommée par Cheikh Ben Baz et d'autres encore, les savants d'avant. Ils appellent ça Salat al-Tawbah. Donc c'est la prière du repentir. Il y a une prière qui s'appelle la prière du repentir. Donc le fait de faire l'odo, et de prier rak'aten. Et avec, en ayant la niya donc, de se faire pardonner son péché. Le péché dans lequel on est tombé. Ou les péchés dans lesquels on est tombé. Comme on a dit suivant, que ce soit une tawbah qui soit nasuh, amma, ou là une tawbah qui soit khassa. Taïb. Donc c'est un acte qui accompagne ici le repentir du cœur. Et donc les hadiths que le shir il avait cités donc, qui concernent yani, le fait de faire un acte ou de dire telle chose, Allah il pardonne nos péchés, il nous dit qu'ils sont nombreux et surtout ce qui a été yani, écrit, ce qu'on retrouve dans les livres des œuvres méritoires, Fadail al-A'mal. Et il nous rappelle le shir, وَعَلَمْ أَنَّ الْعِنَايَةَ بِهَذَا مِنْ أَشَدِّ مَا بِالْإِنْسَانِ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ. C'est-à-dire que tout cela, l'homme, il en a besoin. Comme le corps, il a besoin de la nourriture, comme le corps, il a besoin bihajatin il a sharb ou l'akl, comme il a besoin de la nourriture, il a besoin de la boisson, de même, l'âme, elle a besoin de revenir à Allah Azzawajal. Al-inaba, elle a besoin de se repentir à Allah Azzawajal. À travers, comme on a dit, toutes ces expressions qui ont été citées, tout ce qu'il a cité auparavant, le shirk, tout ce qui concerne les points qu'il a cités. Il nous dit فَإِنَّ الْإِنسَانَ مِنْ حِينَ يَبْلُغْ, c'est-à-dire au moment donc qui va devenir un homme, qui va devenir pubère, خُصُوصًا فِي هَذِي الْأَزْمِنَ. Et il parle, Charles Islam, à son époque. Alors qu'est-ce qu'on devrait dire à notre époque, nous? Lorsqu'il dit spécialement durant notre époque, il parle de son époque à lui. وَنَحْوِهَا مِنْ أَزْمِنَةِ الْفَتَرَاتِ التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه. Donc الفترات, يعني les temps, الفترات c'est la décadence ou les décadences, ce qu'on traduit par les décadences, c'est-à-dire les temps de décadence. Et il nous dit التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه, c'est-à-dire dont ces temps-là il y a une ressemblance avec les temps de pré-islamique avant l'avènement de l'islam, qui sont al-jahiliya. Mais ici, une remarque qu'il faut faire, il faut faire bien attention à cela, c'est que le shir, il dit « min ba'd al-wujuh ». Min ba'd al-wujuh. Et ça, « hada wa qaid muhim jiddan ». Min ba'd al-wujuh. C'est-à-dire, il a dit « suivant certains aspects ». Donc, « qayyada », c'est-à-dire, il a restreint ici, « suivant certains aspects ». Pourquoi? Parce qu'il est strictement interdit de dire que notre époque, elle est revenue à n'importe quelle époque. De nos jours, ou ce qui va advenir dans le film Mustaqbel, il est strictement interdit de dire que notre époque est l'époque de la jahiliya mutlaqan. Wada lafd khatir. Ceux qui disent cela dans leurs livres à notre époque et qui disent que notre temps, c'est le temps de la jahiliya mutlaqan, hada takfir am général de la société, de la communauté musulmane. C'est pour ça ici que le shir, il est précis dans ce qu'il dit. Il dit allati tushbi wal jahiliyata min ba'd al wujuh, sur certains aspects faqat. Voilà qu'il n'est ce n'est pas de manière absolue. Laysa bi mutlaq. Donc farquna. Et faites attention lorsque vous lisez des livres awalan, comme on l'a déjà dit, de savoir de qui on lit les livres, qui sont les auteurs, leur fiabilité, mais également lorsqu'on tombe sur des expressions de ce genre-là, alors s'écarter, totalement s'écarter de son auteur. Car c'est un takfir qui était très très dangereux. Wallah al-musta'an. Et bien entendu, min ba'd al-wujuh, on se rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il nous a rappelé qu'il va avoir des actes de la jahiliya qui vont rester dans cette communauté. Des actes qui ne vont pas partir. Des actes qui étaient faits dans la jahiliya que notre communauté musulmane, elle continuera à faire. Il a yom el qiyama. À titre d'exemple, qu'est-ce qui nous a cité le prophète sallam des actes qui font partie de la jahiliya, qui étaient présents dans la jahiliya et qui continueront à être présents dans cette communauté? Il y en a plusieurs. Des actes bien précis. C'est pas un acte précis ici. On va le voir ce hadith. Mais moi, je demandais des actes précédents. Fadda, cher. Parce qu'en français, je suis un naqf. Fadda. لا السؤال في بعض الأعمال التي كانت موجودة في عصر الجاهلية وهذه الأعمال التي كان يعملونها الناس لا تزال موجودة في عصرنا إلى يوم القيامة الميزان الزينة ليس من باب الذنب ولكن من باب المخالفة للدين في البدع وإلا لا شك أن الذنوب موجودة هذا ما في شك يعني لكن نحن نتكلم عن أعمال خاصة للجاهلية qui sont spéciales dans la jahiliya que faisaient les gens de la jahiliya spécialement qui étaient contraires à la croyance soit qui étaient contraires à la croyance soit qui étaient contraires mais qui ont été cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on dit ibadat al-asnam, ça veut dire que c'est plus un musulman là. On est plus dans, c'est plus des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il va être présent dans notre communauté. Ça veut dire qu'on ne fait pas un takfir. Celui qui ya'boud al-asnam, khalas, il est sorti de l'islam. Naam, an-niyahatu 'ala al-mayt. Ça, c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est présent dans la communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité lui-même dans le hadith que cela fait partie des choses de la jahiliya qui continueront à être présentes. An-niyaha c'est quoi? An-niyaha c'est le fait de pleurer exagérément sur le mort et en accompagnant cela par des termes qui sont contraires à notre croyance. Par exemple contre la prédestination. Ou alors le fait d'être en colère. Taïb, tout ça c'est an-niyaha. Ça rentre dans an-niyaha. Ou chaque jour également se déchirer les poches, ce que faisait, ou alors également s'arracher, se griffer, etc. Ça, c'est des actes qui sont. Les gens qui font cela, c'est des musulmans, mais ils ont continué à pratiquer cela. Également à Ta'am, fil Ansab. Naam. Elle. Mawad Dalil, Alan Adachas, fil. الجاهلية. لا هذا ما يدخل يعني ما ليس كالنص في السنة. ولا إذا دخلنا في الأمور العامة لا شك. نعم. لكن ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a cité, ce qu'il a cité le prophète صلى الله عليه وسلم. التطير نعم صح. également الاستسقاء بالنجوم هذا النص. Al-istisqab al-nujum, c'est-à-dire demander la pluie ou croire que parmi les asbab la présence de certains nujum. Donc al-istisqab al-nujum comme déjà fait kitab al-tawhid comme il a dit également le frère ce qui rentre dans al-bida' and al-qubur wallah musta'an. Tayyib. Donc il nous dit le cheikh fa inna al-insan alladhi yansha bayna ahli 'ilmin wa dinin قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء فكيف بغير هذا. C'est-à-dire que même certaines personnes donc, qui vont naître dans un milieu de gens de science ou alors dans un milieu de gens de religion yani, soit des gens qui sont accrochés à la science qui ont des spécificités dans la science ou alors des gens d'in c'est-à-dire des gens qui sont des adorateurs taïb qui sont mujtahidin fil al-ibada qad yatalattakh yani yatadannas c'est-à-dire qu'il va y avoir certaines choses néfastes qui sont du domaine de la jahiliya qui vont rentrer en lui que ce soit parmi certaines innovations que ce soit parmi certains cas de la ou certains points dans la croyance et ça peut arriver donc ça arrive à ces gens-là alors que dire comme il nous dit le shir que dire donc d'autres que d'autres qui sont donc encore peut-être plus éloignés que cela. Wallah al-musta'an. Taïb. Inch'Allah, naktafi biyadha al-um. Taïb. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Sayyidul istighfar. تفضل أخي. ما استطعت. أتوب. نعم نعم أعوذ بالله. نعم. نعم. أحسنت ما شاء الله. الآن صباح والمساء. ما تنسى صباح والمساء. سيد الاستغفار. regarde l'ajour qu'il y a dans l'istighfar. commencez pas à partir les frères. j'ai pas encore interrogé tout le monde. Hussein, تفضل. سيد الاستغفار. ما أحد يمشي. نعم. أعوذ بك نعم أعوذ بك إن شر ما صنعت ريفيزيون pour demain إن شاء الله طيب تفضل أخي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بالله أعوذ بك نعم بنعمتك عليه ما شاء الله الأخ هنا متكي لا الأخ لا لا مو محمد جنب محمد الآخر لا جنب محمد اي نعم هذا celui qui regarde que derrière تفضل inshallah tu la révises pour demain et le fait de la dire le matin et le soir même si au départ c'est avec le CD donc du Hisn al-Muslim par exemple يعني tu vas la connaître par cœur inshallah tu vas la connaître par cœur طيب تفضل أخي على دي في الركن اللهم أنت رب اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك وأنا عبدك أنا خلقتني أنا عبدك وأنا عبدك وأنا على ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك من نعمتك أبوء لك من نعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت تفضل الشيخ كان وعدنا c'était notre promesse entre nous إن شاء الله بكرة demain إن شاء الله demain إن شاء الله Hein? Khalas. Yani, comme vous êtes venu au cours, vous avez assisté, vous avez profité, moi je vous demande juste cette. Je vous demande juste d'apprendre cela, Inch'Allah. Inch'Allah. Faddal Jamal. Bismillah. Voilà, Sayyid al-Istighfar Muhim, Sabahan wa Masa'an. والله الخير يرجع عليكم ان شاء الله طيب اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت تفضل نعم اي نعم تفضل عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت؟ ما صنعت أبوك لك بنعمتك علي فلا يغفر إلا أنت. أحسنت ما شاء الله ما يبارك فيك بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله